Lettre 33e. Larissa à Junia. Trachen, novembre 301. Nous voici établis à la campagne, chère Junia, et pour longtemps. Démétrius veut y passer le reste de sa vie. Je m'y accoutumerai, sans doute. Mais la saison est bien triste. La nature perd chaque jour de sa beauté. Des arbres dépouillés couvrent la terre de leurs feuilles jaunes et flétries. Les jours, déjà si courts, sont obscurcis par les brouillards, déjà épais, qui couvrent la surface des ondes. Rien n'interrompt la sinistre tranquillité de ce séjour que le bruit des vagues qui battent sur la plage à coups redoublés. Souvent, je suis assise des heures entières au bord de la mer à observer l'impétuosité avec laquelle la vague roulante s'élance, se brise sur le rivage et s'anéantit sans laisser la moindre trace de son existence et de l'orgueil avec lequel elle s'avançait. Une autre lui succède, a le même sort. N'est-ce pas le parfait emblème de l'humanité? Inquiet, agité, l'homme se tourmente. Il court après un bonheur inconnu qu'il ne trouve pas, et comme la vague, il périt sans laisser de traces. D'autres générations s'avancent et périssent d'eux-mêmes. L'exemple de Démétrius est une nouvelle preuve de la vanité de la vie. 40 années passées sous les armes, environnées de dangers, au milieu des besoins, de la fatigue, des persécutions, ayant eu peu de jours de repos et rarement un moment de joie, et quelle est sa récompense? Et moi, Junia, dont les années atteignent à peine la moitié des siennes, que n'ai-je pas déjà souffert, supporté et perdu? Pauvre, solitaire, privé si longtemps d'amis, rarement aimé comme mon cœur le désirait, c'est ainsi que ma vie s'est écoulée. Un seul être paraissait être créé tout exprès pour moi, le sort me l'arrache, quand il pouvait me consoler de tout le reste, et me le rend un instant pour m'en priver à jamais. Et celui à qui j'appartiens? Junia, j'ose le dire, il ne sait ni me connaître ni m'apprécier. Ah, si du moins j'étais mère, mais le ciel m'a refusé ce premier des bonheurs. Je traîne ma vie sans but, sans espoir, oublié peut-être, ou du moins peu regretté. Personne ne s'informera si je vis encore, et ne saura, quand je ne serai plus, s'il exista une malheureuse Larissa. Ah, si je pouvais seulement dire, voilà pourquoi je suis dans ce monde. Mais je ne vois aucun but à ma vie, que de soigner un vieillard qui ne me rend pas justice et reçoit mes soins avec mauvaise humeur. Était-il besoin pour cela d'un cœur comme le mien? Oui, sans doute, puisque tel est mon sort. Mais, chère Junia, il faut bien de la patience et de la résignation pour ne pas murmurer. Agathoclès est loin de moi, mais non pas de ma pensée. Je ne le reverrai jamais. J'en étais sûr lorsque je me séparais de lui à Nisibis. Ne jamais le revoir, jamais. Junia, sens-tu combien ce mot est affreux? Ah, que les eaux bienfaisantes du Léthé me feraient du bien! De toutes les fictions que j'ai abandonnées, c'est la seule que je regrette. Je veux, de tout mon cœur, souffrir, supporter, avoir toute la patience imaginable avec un homme aigri par le malheur et par l'injustice. Mais il ne faut pas me retracer ce qui m'aidait à tout supporter. Il faut oublier son bonheur passé pour supporter son malheur actuel. Il le faut et je le veux. Démétrius a demandé à Agathoclès, en se séparant de lui, d'entretenir ensemble une correspondance. Il souffre de ses blessures et ne peut écrire. Il m'en a remis le soin. Il faut que j'écrive à Agathoclès, moi, et comment? Comme Démétrius écrira lui-même, cela m'est impossible. Comme mon cœur me le dicte, je ne l'ose pas. J'ai donc supplié mon époux de me dispenser de cette tâche, et je tremble de ce qu'il pensera de ma résistance. Oui, tu as raison, Junia. Tout mon mal vient d'être trop faible. J'aurais dû ne pas me laisser enchaîner, ou je devrais savoir porter ma chaîne. Tu crois donc qu'Agathoclès aime Calpurnie? Le crois-tu réellement? Les derniers jours que nous passâmes ensemble à Nisibis, Agathoclès me parla beaucoup d'elle. Peut-être pas tout à fait sans que je l'eusse provoqué. La manière dont il m'en parla et toute sa conduite pendant les derniers jours ont, je te l'avoue, éteint entièrement mes soupçons. J'ai rougi de ma méfiance. Oui, Junia, je suis aimée, mais... Silence. Plus un mot sur cette douce certitude. À quoi me sert-elle? Je ne le reverrai jamais. Et la belle, la séduisante Calpurnie vient vivre auprès de lui. Eh bien, Junia, je veux m'en réjouir. Je veux désirer qu'il s'attache à elle. et puisse-t-elle faire le bonheur de mon ami? Il me semble que je suis morte, et que Trachène est mon tombeau. Ne renonce-t-on pas dans le tombeau à l'amour, à la jalousie? Je suis bien sûr que si j'étais morte en effet, mon âme, dégagée des passions terrestres, se réjouirait qu'Agathoclès fût heureux sur la terre. Eh bien, je veux sentir de même. Ne suis-je pas comme morte pour lui, pour tout le monde, pour moi-même? Je ne vis plus que pour mes devoirs et pour Démétrius. Les nouvelles publiques ne sont pas de nature à dissiper ma tristesse. On écrit à Démétrius que la discorde règne parmi ceux à qui le ciel a remis le soin de la paix et du bonheur du genre humain. Toutes les lettres qu'il reçoit de ses amis de la cour ou de l'armée s'accordent à dire que le feu couve sous la cendre, et qu'il ne faut que la moindre occasion pour allumer la guerre civile et voir se renouveler les scènes de carnage qui firent si longtemps le malheur et la honte de l'Empire romain. On dit qu'il y a actuellement une grande mésintelligence entre Dioclétien et Galerius. Jusqu'ici, Dioclétien a du moins conservé au-dedans la paix et le repos, mais nous sommes menacés au-dehors d'un grand malheur. Les Goths, une de ces hordes sauvages chez laquelle Héliodore voulait se rendre, commencent déjà à inquiéter nos rivages par de fréquentes excursions. Ils viennent dans de mauvais bateaux en grande quantité le long des bords du pont Euxin. Ils débarquent dans des endroits inhabités, surprennent les villages et massacrent sans pitié ceux qui leur opposent la moindre résistance. Ils emmènent leurs butins et souvent même des malheureux habitants. Ces terribles apparitions deviennent chaque jour plus fréquentes et le nombre de leurs troupes plus considérable. Le succès redouble leur audace. Il faudrait une force armée pour arrêter leur brigandage, et il n'y en a point. Nous sommes ici à leur merci. J'ai voulu persuader à Démétrius de quitter cette campagne isolée, située au bord de la mer et loin de tout secours, mais il a méprisé mes craintes. Il croit que tout ce qu'on raconte est exagéré par la frayeur. Il ne connaît pas ces barbares du Nord et pense qu'il pourrait facilement les repousser et se défendre. Il s'est contenté d'armer ses esclaves et il les exerce régulièrement tous les jours. La seule consolation que j'ai est l'espoir, ou plutôt la certitude, de voir bientôt notre ami, notre guide, Apelles, que j'attends à chaque instant. Je le regarde comme un envoyé du ciel qui m'apporte la lumière et la paix dans ma triste solitude. Reçois mes remerciements, ma Junia, de ce que tu m'envoies ce digne ami. Tu seras souvent le sujet de nos entretiens. Mon cœur renaîtra par l'influence de l'amitié, et pour quelque temps je serai moins malheureuse.